sa bête et à laisser sa place. Reniment des pucelles, mais qui va fermer ses portes? Vu du ciel, un gouffre rieur, ému de solitude, rien de plus qu'un regard de la part. Un flocon à la vue d'un buisson. La crainte du temps, la crainte du temps, la crainte du temps, la crainte du temps. Thank you.